الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء de Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Lors du dernier cours, on était toujours dans l'histoire de Isa alayhi salam. On avait commencé l'histoire de Isa. On avait commencé l'histoire de Isa alayhi salam, l'histoire de Isa, de sa mère, de Zakaria et de Yahya alayhi salam. On s'est arrêté à l'accouchement de Maryam alayhi salam. Lorsqu'elle a accouché de Isa alayhi salam et que l'ange notamment lui a dit des paroles qui l'ont réconforté. Et parmi les instructions qui ont été données à Maryam alayhi salam, c'est que si elle voyait quelqu'un d'entre les humains, de lui dire qu'elle a fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. De jeûner, c'est-à-dire de se taire et de ne pas parler, chose qui était connue et c'était une pratique connue à leur époque. Et qu'elle devait répondre, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّ. Aujourd'hui, je ne parlerai à aucun être humain. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم لما تعالت من نفاسها وأصلحت شأنها وقويت بعد الولادة فأتت به قومها تحمله علنا غير هائبة ولا مبالية فلما رآه قومها وقد علموا أنه لا زوج لها جزموا أنه من وجه آخر فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه كما أمرت بذلك فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم كيف نكلم من كان في المهد صبيا فقال وهو في تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوء لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جلى كل ريب يقع في القلوب فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة وقسم غلوا فيه وهم النصارى فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منها. Donc Maryam عليه السلام lorsqu'elle eut accouché et lorsqu'elle alla ensuite mieux et qu'elle reprit des forces après l'accouchement, فأتت به قومها تحمله. Allah عز وجل dit dans le verset 27 de sourate Maryam, elle vint auprès des siens en le portant, c'est-à-dire ouvertement, sans crainte et sans redouter quoi que ce soit. Lorsque le peuple de Maryam l'ont vu, ils savaient pertinemment qu'elle n'avait pas de mari. Ils avaient donc la certitude que cet enfant est venu d'une façon interdite. Ils ont dit alors à Mariam, « Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mâle et ta mère n'était pas une prostituée. » Fa'asharat ilayh. Elle fit donc un signe vers lui, vers Isa alayhi salam, comme cela lui a été ordonné. Et son peuple lui a répondu en la réprimandant et en lui disant Kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Comment pouvons-nous nous adresser à celui qui est bébé dans son berceau? Il dit alors, dans cette situation, alors qu'il n'avait que quelques jours, Isa alayhi salam dit « Inni Abdullah, je suis l'esclave d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Et il m'a béni où que je sois et il m'a enjoint d'accomplir la prière et l'aumône tant que je suis vivant. » et d'être bienfaisant envers ma mère, et il n'a fait de moi ni un violent, ni un malheureux. Wassalamu alayhi, et que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Cette parole de Isa alayhi salam fait partie des signes d'Allah, et des preuves de sa prophétie alayhi salam, et que c'est un serviteur d'Allah, non pas comme le prétendent les chrétiens. Et par cette parole, et cette parole a permis également de discréditer et d'innocenter sa mère, car son peuple pensait du mal d'elle. Si elle avait apporté 1000 témoins pour prouver son innocence, en venant ainsi avec un bébé dans les bras, personne, même avec 1000 témoins, ne l'aurait cru. Cette parole donc de Isa alayhi salam, alors qu'il était nouveau-né, a dissipé tous les doutes qui pouvaient persister dans le peuple de Maryam alayhi salam. Les gens par la suite se sont divisés en trois. Il y a ceux qui ont cru en Isa alayhi salam, qui ont considéré vraie sa parole, et lui ont obéi après qu'il soit devenu prophète. Ce sont les croyants véridiques. Et il y a ceux qui ont exagéré à son égard. Ce sont les chrétiens. Ils ont dit sur Isa alayhi salam les paroles connues et l'ont même élevé au stade et lui ont donné le statut de divinité. Qu'Allah Azzawajal soit exempté et purifié de ces paroles mensongères. Et le troisième groupe sont ceux qui ont mécru en lui, ceux qui l'ont dénigré, à savoir les juifs, et qui ont accusé sa mère de ce qu'Allah Azzawajal, et ont accusé Maryam alayhi salam de ce dont Allah l'a innocenté. Car pour les juifs, Maryam alayhi salam avait commis la fornication. Wal'iyadu billah. Walihada qala ta'ala fakhtalafa al-ahzabu min baynihim fawaynun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin 'azim. ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر وجعل يريهم الآيات والعجائب فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم. وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزهه الله من هذه الحالة فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد قام عيسى في بناء في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قالوا: إن هذا إلا سحر مبين، كما قالوا في عيسى، فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر مبين. Donc ils se sont donc divisés en trois groupes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: par la suite, les chrétiens divergèrent entre eux. Malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Isa alayhi salam au fils d'Israël, ont cru en lui ceux qui ont cru et ont mécru en lui ceux qui ont mécru. Isa alayhi salam leur a montré de nombreux signes et de nombreux miracles. Il façonnait l'argile sous la forme d'une chose et en soufflant dessus, sous la forme d'un oiseau, et en soufflant dessus, alors il devenait un oiseau vivant par la permission d'Allah. Il guérissait le muet et le lépreux, et il faisait revivre le mort par la permission d'Allah Azza wa Jal. De même que parmi les miracles de Isa alayhi salam est qu'il informait les fils d'Israël de ce qu'ils mangeaient et de ce qu'ils stockaient chez eux comme nourriture. Or, de la nourriture stockée dans une maison, la nourriture est stockée dans un endroit qui n'est pas accessible au public. Et lorsque quelqu'un te dit: tu as telle et telle chose dans ton placard, tu sais pertinemment que cette personne n'est pas venue chez toi, dans ta demeure, et aller dans l'endroit où tu stockes ta nourriture pour savoir précisément ce qui s'y trouve. Et Isa alayhi salam informait les fils d'Israël de ce qu'ils mangeaient et de ce qu'ils stockaient chez eux. Malgré tout cela, ses ennemis, les ennemis de Isa alayhi salam, l'ont combattu et ont voulu le tuer. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que Isa alayhi salam avait un sosie parmi ses apôtres ou autres. Allah Azza wa Jal l'a élevé et l'a préservé de l'assassinat. Ils ont alors pris son sosie, l'ont tué, l'ont crucifié et ont commis cet acte ignoble. Les chrétiens ont cru en cela. On crut que Isa a été tué et crucifié. Allah Azza wa Jal a montré la vérité dans son noble livre, dans Surat An-Nisa, le verset 157. Ils ne l'ont pas tué, ni ils ne l'ont crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Isa alayhi salam, lorsqu'il appelait les fils d'Israël, leur annonçait la bonne nouvelle et la venue du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils le connaissaient comme ils connaissaient leurs enfants, car Isa alayhi salam leur avait parlé de la venue d'un homme qui s'appellera Ahmed. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah Azza wa Jal, ils ont dit: ce n'est que de la sorcellerie manifeste. Comme ils ont dit cela au sujet de Isa alayhi salam, فقال الذين كفروا منهم, et ceux qui ont mécru parmi eux ont dit: ce n'est que de la sorcellerie et de la magie manifeste. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة من الفوائد أمور، منها أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة جامعة للصحيح النافذ منه وللباطل، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Les morales que l'on retient de cette histoire de Isa, de sa mère, de Zacharia et de Yahya. Tout d'abord que le vœu était légiféré dans les communautés qui nous ont précédés. Car la femme de Imran a fait le vœu de vouer son enfant à la mosquée de Jérusalem. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du vœu, a dit: celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، فإن المربي والكافل له الأثر العظيم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه، ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق. Également, on retient cette histoire que fait partie des bienfaits d'Allah Azzawajal envers son serviteur le fait qu'il le mette sous la tutelle de personnes bonnes et vertueuses. Car celui qui éduque et le tuteur a un immense impact sur celui qui est sous sa tutelle, un immense impact dans son comportement. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal ordonne ceux qui éduquent d'éduquer de la meilleure des façons, à savoir d'encourager à faire preuve de comportements louables et déconseiller et faire redouter tous les mauvais comportements. ومنها إثبات كرامات الأولياء، فإن الله كرم مريم بأمور يسر لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب، وأكرمها بوجود عيسى وولادتها إياه، وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبها، ثم بكلامه في المهدي، فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. On retient également de cette histoire que les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, les saints, peuvent bénéficier de faits extraordinaires. Et ici, Allah Azza wa Jal a fait don à Maryam de plusieurs choses. Premièrement, il lui a facilité en faisant en sorte qu'elle soit sous la tutelle de Zakaria, qui était un prophète d'Allah Azza wa Jal, après que les gens se soient disputés sur qui allait la prendre sous sa tutelle. Puis Allah Azza wa Jal l'a honorée en lui donnant sa subsistance sans qu'elle ne fasse quelque cause que ce soit. Allah Azza wa Jalla l'a honoré par la présence de Isa et le fait qu'elle l'ait mis au monde. Allah Azza wa Jalla l'a honoré lorsque l'ange s'est adressé à elle dans ce moment difficile, des paroles qui ont apaisé son cœur. Allah Azza wa Jalla l'a honoré de par le fait que Isa alayhi salam ait parlé dans son berceau. Et ce dernier bienfait réunit entre un fait extraordinaire qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses saints et le miracle d'un prophète. Car le fait que Isa alayhi salam a parlé alors qu'il était nouveau-né, c'est un miracle en soi, un miracle qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète Isa, mais c'est également un fait extraordinaire qu'il a accordé à Maryam, car elle a profité de ce miracle pour qu'elle soit innocentée de façon sûre et certaine auprès de son peuple. ومنها الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما. Également, on retient de cette histoire les signes immenses qu'Allah Azza wa Jal a donné à Isa alayhi salam, comme le fait de faire revivre les morts et guérir les muets ainsi que les lépreux et autres. ومنها ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته في بث دعوته والنصر لدينه ولذلك كثر تابعوه ولكن منهم المستقيم وهو الذي آمن به حقيقة وآمن بجميع الرسل ومنهم المنحرف وهم الذين غلوا فيه وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعه وهم أبعد الناس عنه. Également, on retient cette histoire, l'honneur qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Isa en faisant en sorte qu'il ait des apôtres et des personnes qui le soutiennent dans sa vie et après sa mort, notamment en propageant l'appel de Isa alayhi salam et en donnant victoire à sa religion. Pour cela que ceux qui ont suivi Isa alayhi salam sont nombreux. Il y a ceux qui sont sur le droit chemin, qui sont ceux qui ont cru en Isa véritablement, ceux qui ont cru en l'ensemble des prophètes. Et il y a ceux qui ont dévié, c'est-à-dire ceux qui ont abusé au sujet de Isa alayhi salam, et c'est malheureusement la majorité de ceux qui prétendent aujourd'hui le suivre, alors qu'ils sont en réalité les gens les plus éloignés de lui. ومنها أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية وأنها صدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين وهذا وصف لها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة والخشوع لله وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. Le retient également de cette histoire qu'Allah Azza wa Jal a fait les éloges de Maryam alayhi salam en disant que c'était une femme complète et véridique, et qu'elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, et elle fut parmi les dévoués. Allah Azza wa Jal l'a décrit ainsi par la science ancrée et par l'adoration continuelle et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azza wa Jal l'a choisi et l'a fait prévaloir sur l'ensemble des femmes. ومنها أن إخباره صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته وآيات نبوته لقوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Et également, on retient cette histoire et on terminera par ceci, cette histoire, que les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte cette histoire et les autres histoires d'ailleurs, de façon détaillée et de façon qui coïncide parfaitement avec la réalité, est une preuve de sa prophétie sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jal dit « ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Donc tous les détails dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait les connaître, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su tout ça, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui révèle, et ainsi sont les nombreux les exemples. Ainsi sont nombreux les exemples qui prouvent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il informe de choses passées ou de choses futures, qui vont avoir lieu. Inch'Allah ta'ala, wa naktafi bihada al-qadr, wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.